êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Ce soir, à l'émission, je vous propose un exercice thérapeutique anti-confinement, la danse. Que vous soyez amateur de danse contemporaine, de danse traditionnelle, de danse sociale, de danse antisociale, de la danse à Saint-Dylan ou de la danse de Saint-Guy, de la danse de travers ou de la danse lascive, de la danse en ligne, de la contredanse ou de la décadence, vous aimerez certainement vous trémousser sur les rythmes de musique à saveur africaine d'un peu partout. Au menu ce soir, Étienne de la Sayette, Tunji Oyelana, Tele Sosimi, Voodoo Game, Sababa 5, King Sunny Ade and his African Beats, Vincent Haee Inu, Papa Wemba et Hector Zazou, Francis the Great, Les Yamasuki, Jungle by Night, Woima Collective, Music is the Weapon, Brian Eno et David Byrne, Bantu Mental et Zazu Bikai. Alors, déplacez vos meubles de salon pour vous aménager une petite piste de danse, apportez les rafraîchissements et place à la danse.

Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Vous avez dansé dans ce premier bloc sur Chéri Nier du groupe Voodoo Game, un groupe dirigé par Peter Solo, un Français d'origine togolaise. C'est extrait de l'album Kidayou, paru en 2016. Ça a été précédé d'un extrait de Ego Beta du musicien nigérian Bamidele Olatunbosun Sosimi, mieux connu sous le nom de Dele Sosimi. Cet extrait du disque You Know Fit Touch Am, paru en 2015. Juste avant, vous avez dansé sur Ipachan du nigérian Tunji Oyelana. Cet extrait d'une compilation de l'artiste A Nigerian Retrospective 1966-1979, une compilation parue en 2012. On a débuté les premiers pas de danse sur un extrait de Loulou du français Étienne de La Sayette, extrait du disque Kobugi paru en 2020. Étienne de La Sayette est le fondateur du groupe Akale Wube. On poursuit avec Tokyo Midnight du groupe israélien Sababa 5, extrait du EP Tokyo Midnight paru en 2020. C'est avec la voix de Yurika Anashima.

joku mola umanidi Baba tundi ra joku mo Iwo areni la mo Aimo wo areni akubalu kubani Turi Uti ukopo lotu bitu Ile elomi amo Yeah. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Alors, vous avez pu danser dans ce deuxième bloc sur un extrait de Look Up in the Sky, Negro Nature, du groupe Francis the Great, extrait de l'album Ravissant Baby, paru en 1977. Le groupe Francis the Great était constitué de musiciens français et de musiciens issus de la diaspora camerounaise en France. Ça a été précédé par Malimba de Papa Wemba et Hector Zazou, extrait du EP Malimba paru en 1983 sur l'étiquette Crammed Disc, l'étiquette de Marc Colander d'Aksak Maboul. Papa Wemba a été le fondateur du groupe congolais Zaiko Langa Langa à la fin des années 60. Juste avant, on a entendu un extrait de Maimouna Chéri du musicien nigérian Vincent Ahéhé Inou. Extrait du disque Ahéhé Inou Vincent, volume 1, paru en 1978. On a débuté le bloc avec Jafunmi, du musicien nigérian Sunday Adeniyi, mieux connu sous le nom de King Sunny Ade, ici avec ses African Beats. C'est extrait du disque Juju Music, paru en 1982. Ce disque a d'ailleurs été mon introduction à la musique africaine en 1982 ou 1983, et ce disque est absolument excellent. On poursuit avec Aieao du groupe Les Yamasuki, extrait du disque Le Monde Fabuleux des Yamasuki, paru en 1971. C'est un disque concept sur la danse produit par le français Daniel Vanguard et le belge Jean Clouguer. banaya Africa. Mo koloni ni banaya Africa, biti balko kipeko sila. Toko kipeko sepela loko la bango. Mo koloni ni banaya Africa, biti balko kipeko sila. Toko kipeko sepela loko la bango. Toco qui peco se pela loco la batonioso. Toco qui peco se pela loco la bango. Toco qui peco se pela loco la batonioso. Toco qui peco se pela loco la bango. Déjà presque tout pour l'émission Les Échangeurs d'air de ce mercredi. Je vous rappelle que vous êtes à l'antenne de CKRL le 89.1 à Québec et que vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Alors, vous avez pu danser dans ce dernier bloc sur United Blood du groupe Bantu Mental, un groupe français dirigé par le Congolais Kuben Kabeya, C'est extrait du disque No Romance, paru en 2019. Ça a été précédé par Help Me Somebody de Brian Eno et David Byrne. C'est extrait de My Life in the Bush of Ghosts, un album paru en 1981. Juste avant, vous avez pu danser sur En Dag I Skogen du groupe d'afrobeat suédois Music is the Weapon. C'est extrait de Sweet Choral Motion, un album paru en 2016. Juste avant, vous avez dansé sur Le Petit du groupe d'afrobeat allemand Woima Collective. C'est extrait de Froufrou Rocco, un album paru en 2014. Et vous avez débuté cette danse avec Desdemona du groupe d'afrobeat néerlandais Jungle by Night. C'est extrait du disque The Hunt, paru en 2014. Je vous laisse avec Giulia Fezza, Dector Zazou et Bonnie Bikai. Extrait du petit chef-d'œuvre paru en 1983 sur Cram Disc, noir et blanc. Bonne soirée à notre antenne. I'm not Bye.